certain, sans préserver et sceller, m'envolerai vers une maison sur le rivage des ciels. Qu'ils soient glorifiés, que nous soyons bénis, qu'ils soient exaltés, au nom de Jésus-Christ. Et accorde-nous un moment merveilleux dans ta présence. Accueille chaque âme, Seigneur. Ne nous impute pas de péché. Sois miséricordieux à l'égard de chaque âme. Ne pas regarder la culpabilité, l'indignité, mais regarde au sang de sa Golgotha, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau parfait, qu'il nous tienne innocents. Qu'il nous tienne recevables devant Dieu. Et bénis cette réunion abondamment. Que nos prières soient exaucées. Que la joie du cœur abonde. La joie du salut. La présence du Seigneur. La puissance de Dieu. Qu'elle opère encore parmi nous. Pour apporter la délivrance à chaque âme nécessiteuse. La délivrance totale. Un salut parfait. Toi, Dieu, tu sommes et tu guéris. Nous croyons en toi, Seigneur. Que tu es ici ce soir. Confirme ta parole. Brise l'incrédulité. Brise la sécheresse spirituelle. Brise l'indifférence. Brise l'insensibilité. Que le règne des ténèbres soit renversé. Et la lumière de Dieu règne parmi nous. Le trône de gloire de Dieu. Il se manifeste ici. Pour chasser les ténèbres. Chasser les démons. Chasser les maladies. Chasser les douleurs. Amener la joie. Amener la paix. De servir Dieu, de marcher avec lui. Gloire à toi, honneur à toi, béni soit ton nom, le nom merveilleux de Jésus-Christ, sur lequel nous comptons et nous croyons. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, la Sainte Bible. Ah ouais, la Bible est santo. Apocalypse, chapitre 2, le verset 2. Je vous en prie, mon lycéli, mon capa vivale, mon longa vivale. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Naïbi ni sala na yo, na boane na yo, na piko na yo, pete okoki kondi ma bato mabete, naïbi pete osili komeka baoyo bakolobaka ete bajali bantoma, ne bajali bongo te, bajali pete ozwi bango bato na lokuta. Malachi, chapitre 3, verset 18. Malachia, mon capo et misato, mon longazo minamande. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Différence. Jean, chapitre 8. Ok. Jean chapitre 8. Là, nous prenons à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Jean 8, verset 15 à 19. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Amen. Amen. Ikateli nangai ejali sembo, pointe na jali gobele gai mokote kasi, biso na motingi nangai. Kati na mideko na bimote ekumani ete, litato li na batomi bale ejali sembo. Ngai na jali kotato lapo nangai, mokote tata motingi nangai ajali kotato lapo nangai. Balobaki na ye ete, wapi tata na yo, Yesu azongisi monoko ete, boyebi ngai te, pointe tata nangai te. Soko boyebi ngai mbe, boyebi tata ngai mokola. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et bienvenue à la table du Seigneur. Soyez heureux dans la maison de Dieu. Non. Amen. Voilà. Soyons présents ici. Poursuivons notre thème. Comment éprouver un ministère de la parole. Nous avons révisé ensemble les cinq critères par lesquels la parole nous enseigne à évaluer le ministère, pour savoir s'il est vraiment vrai. Le dimanche dernier, nous avions dit qu'il y avait des critères qui concernent l'individu. Donc, l'expérience préalable avant l'expérience. Donc, il faut qu'il ait le baptême du Saint-Esprit par une expérience surnaturelle. Et il faut qu'il ait qu'il ait une expérience d'appel divin au ministère de la parole. Un appel direct de Dieu. La personne peut répondre à Dieu. Donc, cette expérience. Voyez, c'est cela. Donc, les deux critères sont là. C'est comme deux conditions d'abord. Avant même de venir ici, les trois qualités. Donc nous commençons par l'individu, l'expérience de la personne. On ne va pas entrer directement ici, nous commençons d'abord à réfléchir. Est-ce qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Oui, la personne. Ensuite, est-ce qu'il a l'appel au ministère? Alors, ici déjà, vous savez, au sujet de l'appel, donc si cette personne est de sexe féminin, parce que si l'expérience du baptême du Saint-Esprit peut concerner les hommes, alors, là, on peut avoir même une femme. Il dit baptême du Saint-Esprit. Okay. Il n'y a pas de problème. Si elle dit qu'elle a le baptême du Saint-Esprit, si on parle la parole, c'est le fruit de sa vie spirituelle. On vérifie si le fruit de la parole se reproduit dans sa vie. Si la vie de Christ se reproduit dans sa vie. La personnalité de Jésus-Christ. Voyez ça? Alors, est-il reconnaît la vérité de Dieu, s'il croit-il, il a une foi véritable dans la parole promise du temps dans lequel il vit. Le Saint-Esprit s'identifiera à la parole de l'Esprit. Alors, quand on va ici, c'est que la femme aussi subsiste pour dire, ah oui, j'ai aussi l'appel. Bon, Prophète Nam dit, je ne veux pas entrer dans les contestations charnelles. Je ne suis pas le juge, hein. Je ne nie pas que Dieu peut vous avoir appelé. Mais la parole ici, la parole de Dieu montre qu'il est monté en haut, il a amené, il a pris en don les hommes. Il a amené des captifs. Il a pris en don les hommes. Et il a donné les hommes comme apôtres, les autres comme prophètes, l'évangéliste, Dieu a placé dans ce poste-là une femme. Vous dites qu'il a l'appel au ministère. Dieu lui a parlé, il a pris une vision, il lui a donné le ministère de délivrance, le ministère de chasser les démons, pour détruire les familles, pour amener la paix mondiale, pour réconcilier les familles. C'est pas la parole. Elle peut raconter tout ce qu'elle peut raconter là. Elle termine. C'était des voix audibles, c'était éclatant. Mais c'est pas biblique. Père n'est pas biblique. Êtes-vous là? Ah oui. Frère Brunham dit ceci. Je vais lire un peu une chose ici avant d'avancer. Dans les sermons, et ta postérité possédera la force de son ennemi. Et ta postérité possédera la porte de son ennemi. Le 21 janvier 1961. Paragraphe 100. Dans la brochure, c'est paragraphe 44. L'électronique, c'est 100. Vous passez par un test. Dieu vous met à l'épreuve, comme il avait fait avec Abraham. Il soumet la postérité d'Abraham après lui à l'épreuve. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle nous ne possédons pas la porte de l'ennemi, la raison pour laquelle il y a tant de choses parmi nous, c'est que nous ne sommes pas capables d'endurer l'épreuve. Nous sommes trop tolérants, nous supportons n'importe quoi, nous laissons passer n'importe quoi, et voilà, nous perdons la victoire. Satan entre dans le camp et commence à faire Nous à cause de notre naïveté. Nous trouvons que c'est gênant de passer par le test, par le blanc. Abraham, le père de la foi, est passé par là. La preuve est indispensable. Nous ne pouvons pas nous dérober. Quels que soient les résultats, nous devons passer par là. Comme Abraham, le père de la foi. Dieu fait passer la postérité d'Abraham par le frère. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Le test de la parole est indispensable. On ne doit dispenser personne. Ni église, ni gouvernement, ni frère, ni soeur. Le test de la parole est indispensable. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Voilà, amis. Il faut endurer ça. Nous devons passer par là. Que personne ne s'échappe. Que personne ne s'explique. C'est indispensable. Vous ne voyez pas que beaucoup de gens me reconnaissent déjà qu'il y a un ministère. Non, ça ne m'empêche pas moi de faire aussi un examen. Quand il s'agit du salut de mon âme à moi, je ne veux pas être sauvé par ce que les gens ont dit. Je serai sauvé dans une expérience de la foi personnelle. Même si plusieurs disent déjà que c'est ainsi, mais moi, chrétien, bien aimé du Seigneur, je vais le voir biblique de il y a main. Les chers amis, comprenons-nous. C'est aussi simple que ça. Le test de la parole est indispensable. Indispensable, on ne doit épargner personne. On ne doit ménager personne. Surtout s'il déclare qu'il est croyant. Il est de la postérité d'Abraham. Il est un croyant de la parole. Il ne doit pas passer par les personnes. Que la parole nous dise qui est-il. Qu'en est-il de lui? Amen, amen. Il y a des questions ici dans la parole que nous allons essayer de voir. Des questions d'identification. Hein? Pour un ministère. Des questions d'identification. Donc, survole encore un peu ça. Les trois questions d'identification. Et avant d'aller là, je voudrais lire encore dans la parole parlée et la semaine prochaine. Le prénom dit ceci. Le 18 mars 1962, le matin, la première partie, et la semaine prochaine, je prêchais au culte du dimanche matin et le culte du dimanche soir en date du 18 mars 1962. Donc je lis la partie du matin, 329 et 330. Et puis le paragraphe 343 et 344. Donc 2 à 2, 330 et puis 343 à 344. Vous dites, simplement, maintenant, vous nous avez mis sur la corde raide. Peut-être quelqu'un peut penser aussi ça. Vous dites, simplement, maintenant, vous nous avez mis sur la corde raide. Je voulais justement que vous en arriviez là. Vous voyez, c'est tous les dangers. Hein? C'est tous les dangers que d'en arriver là avec toutes ces épreuves. Imaginez-vous que vous faites l'épreuve et vous tirez la conclusion qu'il y a un vrai ministère. Et pourtant, c'est faux. C'est le diable qui a suscité la personne. Voyez-vous où est-ce que vous allez finir? Parce que Frère Brenham me dit que Le diable peut vous jouer un tour. Là, pour la en matière d'appel au ministère. Là, peut vous faire croire que vous êtes appelé de Dieu. Pendant que Dieu ne vous a pas appelé. Tout le monde, il peut faire volte face. Faire croire que Dieu ne vous a pas appelé. Pendant que Dieu vous a appelé. Satan peut faire ce genre de choses. Alors, ce n'est pas quelque chose de si facile que vous voyez comme ça. Et vous commencez à sauter comme aux amours. Et dire, j'ai trouvé la chose. Soyez sur vos gardes. Ok, bah. Priez Dieu. Que Dieu vous inspire. Et que Dieu soit avec vous dans votre jugement. Comme il était avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Quand lui il te fait juger. De sorte que notre jugement ne doit pas être charnel. Ce n'est pas des sentiments que nous mettons. Mais ça doit être selon Dieu que nous jugeons. Strictement sur base de la parole. Parole, rien que parole. Mais avoir aussi le discernement réel pour dénicher les démons là où il y a les démons. Est-ce que vous entendez? Vous allez les questions réponses du 12 janvier 1961. C'est là qu'on a parlé de ces sales tours que le diable fait. Pense là, par exemple, 53 et 54. Satan peut vous jouer ces sales tours. Il peut vous faire croire à un homme, appelez les deux au ministère. Et Satan le combat. Et il se met à travailler même. Comme s'il était un serviteur de Dieu. Pourtant, c'est le diable qui est en train de le manipuler. De le faire guider. De l'appuyer. De l'ensorceler. Alors, chaque fois qu'il y a un don qui s'élève, quand quelqu'un se met à parler, vous avez toujours deux ou cinq personnes derrière. En plus de dire aussi que c'est Dieu. Même Simon qui était en Samarie, il avait épaté les gens pendant longtemps, avec des tours de magie. Leur faisant croire qu'il servait Dieu. Et les gens de Samarie, ils disaient, quand ils voyaient Simon le magicien faire ses démonstrations, comment eux criaient, et la puissance de Dieu appelait un grand. Donc ils appelaient des tours de magie, la puissance de Dieu, Parce que d'ailleurs la Bible dit que l'homme spirituel au contraire juge de tout. Il est parlé de l'homme spirituel. Pas de l'homme charnel. Pas de l'homme animal. C'est l'homme spirituel. Il doit être d'abord spirituel. Pour bien juger de tout. Et être lui-même jugé par personne. Il y a même que Dieu t'a de frères et sœurs. Bien-aimé Seigneur. En être de nouveau. Mon frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il y a eu des gens qui ont fait des aventures, même dans cette église. Il y a vraiment des gens aventuriers qui peuvent prendre la parole. Savez-vous qu'il y avait un frère qui lui disait qu'il voulait tester le ministère de pasteur David. Il est allé en parler à un autre frère. Mais vous êtes lui dit que c'est pas déjà vu la maison qu'il habite. Bon, un type pareil, il est en train de prouver le ministère. Il a déjà vu la maison de la vie. À son âge là. Est-ce que c'est ça le ministère? Écoutez. Des gens pareils, est-ce que vous pouvez avoir comme résultat? Même si vous parlez de la Bible, de vous, vous parlez de la Bible, savez-vous un autre qui faisait l'épreuve? Il fait l'épreuve du ministère. Oh, que Dieu ait dit que nous aimons. Vous allez voir comment il se met à discuter. Vous troublez vous-même comme ça. Pendant qu'il fait l'épreuve, à la fin il dit, moi j'avais abandonné les boissons alcooliques. J'étais convaincu, j'avais testé que pasteur me dit, mais comme maintenant je viens de tester encore, je trouve qu'il est un faux. Personne ne doit m'interdire de boire l'alcool. Il a repris la bière tout bonnement. Mes chers femmes, est-ce qu'on peut s'amuser à ce point? Dites-moi. Pouvez-vous aller jusqu'à ce niveau-là? Avec les choses sacrées de Dieu. Et voilà les prétendus juges. Les prétendus juges. Il s'utilise n'importe quel passage. Après, il finit dans l'alcoolisme. D'autres sont allés rendre des femmes grosses. Pratiquent la prostitution. Comment on peut se moquer de Dieu? Et puis aller former un groupe d'individus et dire nous sommes l'église de Dieu, ce sont ceux qui sont sortis. Vous voyez tout ça? C'est des abominations. Le manque de la crainte. Donc vous devenez des élus avec une compagnie. Ça c'est le comportement des élus. Vous voulez tromper qui? Que Dieu nous aide. Zambi a son habito. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. N'est-ce pas vrai? Il juge les choses d'une manière telle que ça ne soit pas l'homme qui a jugé. Mais que ce soit l'esprit de Dieu à travers l'homme. Ou la parole de Dieu à travers l'homme. C'est la parole qui tremble. Et si vous voulez juger en retour, jugez plutôt la parole qui vous a jugé. Que dit Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Donc, il y a des choses qui font très mal au cœur. Pendant que nous venons pour chercher le salut de nos âmes, les démons peuvent se moquer des uns et des autres. Et les amener à avoir des comportements de fous. Totalement détraqués. Qui ont perdu le contrôle. C'est pitoyable. Ne faites pas ça. Restez dans la consécration. Implorez la grâce de Dieu. Et que lui soit avec vous. Parce que si le jugement est éternel, Dieu rejettera votre jugement. Mais vous jugez selon la chair. Vous jugez selon la chair. Je ne juge personne. Il est écrit dans vos mais si je juge. Si je juge, mon jugement est vrai. Car celui qui m'a envoyé est avec moi. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? C'est lui qui t'a engendré. C'est lui qui t'a envoyé sur terre. Il a fait de toi une enfant de Dieu. Il est avec toi. Il est là, la parole sera à l'honneur. Des histoires accessoires ne viendront pas changer à un jugement spirituel. Ça n'a rien à voir. Avec un nom, vous voyez d'ailleurs, trois de ces dents ont commencé déjà à se rappeler la carrière d'antenne. Est-ce qu'il est fait un vrai prédicateur? Non, il ne sait même pas qu'il est la chemise dans les mains. Est-ce que ça peut être un prédicateur, ça? Dieu peut envoyer un homme comme ça. Hein? C'est comme ça qu'il y a certains pasteurs. Qu'est-ce que ça me on a échangé avec lui des années. Et ça est où le Kébélé? Quand je lui ai présenté l'expérience du baptême de Saint-Denis, il a commencé à se moquer. Je lui parle, il appelle au ministère. Il dit, oh, tu entends que la voix dit, toi, il dit, d'abord, qu'est-ce que tu es là? Tu n'as même pas enfilé la chemise. Vous voyez le raisonnement? Il dit, tu n'as même pas enfilé la chemise. Et tu ne sais même pas faire concorder ta chemise avec ton mari. Et puis tu dis que Dieu t'a envoyé. Si tu es très orgueilleux, il dit, Dieu t'a parlé, toi frère. Dieu veut te parler comment? Dieu ne peut parler qu'à frère vraiment. Et après les bas de femme. C'est fini. C'est fini. Il dit vraiment. Alors, Bongo. Fini. Toi. Tu es d'abord une étudiant. Et puis tu dis que Dieu t'a parlé. Et puis tu dis que tu es d'abord une étudiant. Michel, ça. Baninga. On le laisse, il se défoule, il parle. Il permet. Je dis que Dieu te pardonne. Alors, je tourne le visage. Attends, longue. Il me pardonne, j'ai commis quel péché. Alors, il dit, les jours où il te visitera, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais jusque-là, tu ne peux pas le voir. Il est resté calme, il a passé la parole à l'équipe. Le collaborateur là à côté. Donc, parce que lui ne croit ni au baptême de Saint-Esprit. Ni à l'appel au ministère. Alors je lui ai demandé, mais toi tu peux sur base de quoi? Non, moi je suis comme pasteur Pierre. L'église de Jérusalem. J'affermis seulement les frères en attendant le baptême du Saint-Esprit. Vous tous là vous attendez. Et toi tu l'affermis. Et c'était le cas. Pourquoi Jésus leur a dit d'attendre Jérusalem? Pour ne rien faire du problème. Alors, qu'est-ce que tu fais? Si c'était ça, tu ne devais rien faire. Oh non, les choses... D'ailleurs, vous, les choses que Frère Branham a dit, il faut tout ramener à la Bible. Ce n'est pas parce que Branham l'a dit qu'il faut la faire. Parce que ça le principe. Frère, le jugement ne doit pas se faire de cette manière. Et terre à terre. Il faut la spiritualité. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. N'est-ce pas que vous croyez ça? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Quand Quand on est spirituel, on utilise la parole seule comme moyen. Pas de raisonnement personnel, des sentiments personnels, des opinions personnelles pour juger les autres. Le jugement qu'il faut et que Dieu agréera, c'est celui de la parole. Car Dieu lui-même, au jugement des hommes, il n'a pas des sentiments pour juger l'humanité. Mais il utilisera uniquement la parole de Dieu. Avez-vous déjà entendu Branham le dire? Dieu ne se servira que de sa parole. Pour juger. Il n'y a que ça. Rien d'autre, mes amis. Seulement sa parole. Ici, dans Jean, au chapitre 12, nous trouvons encore le même Seigneur nous parler. Oh, mes chers amis, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Jean, au chapitre 12, le verset 47, à 46, à 48, je veux dire. Ok. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. C'est qui le juge? La parole que j'ai annoncée. C'est elle qui les jugera au dernier jour. Êtes-vous là? Est-ce que tout le monde voit clairement? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu a choisi pour juger le monde. Voilà sur quelle base et de quelle manière il va juger le monde. C'est le base de son individualité. De ses sentiments charnels humains. C'est par l'homme Jésus-Christ. Mais c'est la parole qui juge. Jusqu'au dernier jour qu'il a fait. Comment dit Frère Brenard, en réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez la faute, le prophète ou le docteur, mais c'est la parole qui les éprouve. Est-ce que chacun de nous réalise? Ce n'est pas vous, les nous, mais c'est la parole elle-même qui les éprouve et qui va dévoiler leur nature. J'aime dire amen à la vérité. C'est la parole, rien que la parole. Quel est le juge au dernier jour? C'est la parole. Et dans le sermon, Frère Nam a utilisé le passage de l'échappée de l'Église pour montrer que Dieu jugera le monde par Jésus-Christ. Alors, même dans ce sens-là, il va essayer de... Il avait commenté. Il essayait d'avancer en 2017. Acte 17, verset 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se répentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, attention, par l'homme qu'il a désigné. C'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Amen. Mais moto oyo esili kokona amonaki bato nyonso polele ete ezali solo po ete asekwisi ye na bakufi. C'est vrai. Solo. Il y a un homme qui a été choisi par Dieu. Et c'est par lui que le monde entier sera sauvé. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est clairement écrit comme ça. Il s'est référé à ça. Il y a plusieurs prédications. Quand il montre que Dieu jugera le monde par la parole, il ne jugera pas par l'église baptiste. Il juge le monde par l'église baptiste. Alors tous les catholiques seront perdus. Il juge le monde par l'église catholique. Alors tous les protestants seront perdus. Mais la Bible dit que Dieu jugera le monde par Jésus-Christ. Et maintenant, Branham ajoute que Jésus-Christ, il est la parole. Vous voyez comment lui le présente? Jésus-Christ, il est la parole. Voilà. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 1, il est dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. C'est lui qui doit juger Jésus-Christ, les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Tu sais que c'est Jésus qui doit juger. Prêche la parole. Parce qu'en réalité, quand Jésus jugera, il ne jugera pas sur base de sentiments, mais il jugera en utilisant seulement sa parole. Le juge de tous, c'est la parole de Dieu. Le même l'a-t-il dit? Oui, c'est ça. Prêche la parole. C'est Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Jésus-Christ, il est la parole. Jésus-Christ, c'est la parole. Comme c'est dit dans Jean 1, verset 1. Oui, le commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite du chèque. Ou dans la version du semeur. Et c'est lui qui est la parole qui est devenu un homme. Et il a habité parmi nous. Jean 1, verset 14. Et la parole est devenu un homme. Et il a habité parmi nous. Jésus-Christ était donc la parole. Et il est la parole. Et il est la parole. Et c'est par la parole que le monde entier sera jugé. Toi frère, tu seras jugé par la parole. Tu seras jugé par la parole. Toi église, tu seras jugé par la parole. Tout ministère doit être jugé par la parole. Tout homme doit être jugé par la parole. La parole vient de la parole. Nous avons dit amen. Alors, je continue à lire ce que dit Frère Branham. Dans la parole parlée et la semence. Ok, nous rentrons là, merci. Paragraphe 329. Vous dites, maintenant vous nous avez mis sur la corde raide. C'est justement que vous en arriviez là. Ne fouillez pas cette corde tendue. Vous en arrivez là. Comment distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux? Cette question, n'importe qui entre nous peut se la poser. Nous devons connaître la réponse. Comment distinguer ce qui est vrai et ce qui est faux? Réponse, soumettez-les au test de la parole. Je veux entendre la position de Christ. Amen. Je ne veux pas des amen en demi-temps. Hein? Non, c'est pas bon. Nous parlons de comment éprouver le ministère. La parole elle-même doit l'éprouver. Hein? Mais comment distinguer ce qui est vrai? Soumettez-les au test de la parole. C'est comme ça qu'on peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Je ne pensais pas dire que notre église presque, notre église presque, sur celui qui craint sa parole. Dieu porte ses regards et son attention sur celui qui craint sa parole. Si toi tu bafoues la parole, tu dépasses la parole, tu privilégies tes émotions, tes sentiments, tes opinions, tes envies, tes rêveries. De quelle valeur sera-t-il devant Dieu? Dieu te dit, va te zapper. Zambe pe akole tisa ko vele bongo. Quand il zappe la parole, yole ko pamba yolo ba. Zambe ka le tisa ko vele bongo. Tu es sans valeur. Wana zana tina te. Mais Dieu porte ses regards. Zambe azana mutali na ye. Sur celui qui craint sa parole. Wana zana zali ko pamba yolo ba ye. Qui veut honorer la parole? Qui veut agir d'après la parole? En toute chose. Qui veut vivre par la parole? Dit que l'homme ne vivra pas seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Et si le Dieu d'Israël amène les gens pendant tant d'années, c'est pour leur apprendre ça. Leur apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. Et que l'homme vit de toutes paroles qui sont de la bouche. Quand vous prenez Deutéronome chapitre 8, verset 3 et 4, vous allez n'échappez pas à la parole. Mais maintenez-vous dans la parole. Agrippez-vous à la parole. Approchez-vous à la parole. Donnez-nous à la parole. Rien que la parole en soutien. N'en déviez pas. Soumettez-les au test de la parole. Comme ça qu'on peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ça. Soumettez-les simplement au test de la parole. Et voyez ce qu'il dit de la parole. Amen. L'homme là aussi. Présentez-nous la parole et voyez ce que lui dit de la parole. Êtes-vous là? Voyez ce qu'il dit de la parole. N'importe quel esprit. Voyez ce qu'il dit de la parole. S'il nie la parole, il n'est pas de Dieu. Amen. Oh, mais que ce soit tranché et clair, non? Amen. Il y a deux ans, Dieu délivre par la foi de sa parole. Il faut connaître la vérité et la vérité de sa parole. Mais ce plat qui renie la vérité. Que la délivrance peut-il vous apporter? Vous êtes un esclos. Il amène les démons chez vous. Tout esprit qui nie la parole n'est pas de Dieu. Amen. C'est le premier pas sur le moment. Amen. Pour y avoir salam à ma copine à votre voix, trop. Salam à prière, salam à mon gars. À manifester, n'a pas empêché. Mais nous allons réception, les athées. A oubé là. Ton profiteur, t'en aille au moins. Oui, je fais ta maman. Toi, je fais ta maman. Qui? Un esprit qui nie la vie. Mon Dieu, vous allez couper et courant à la fin. Toi, tu vas te réchauffer avec tes gens. Le feu d'hiver, va dans le feu de la fleur que vous avez fait. Le feu d'hiver, va dans le feu de la fleur que vous avez fait. Le feu d'hiver, va dans le feu de la fleur que vous avez fait. Le feu d'hiver, va dans le feu de la fleur que vous avez fait. Le feu d'hiver, va dans le feu de la fleur. Je veux uniquement la parole. Amen. Je veux l'innovant. Amen. Laissez-moi tranquille, je veux la parole. Amen. Oh yo, l'église, n'a l'église parole. N'a l'église caca parole, yo peut fournir la parole. Amen. Au second l'église parole, c'est pour toi, là, pour que le jugement dernier, au Kosovo. Amen. Il est temps de prendre la bonne position. Amen. Amen. C'est vrai. N'importe quel esprit. Voyez ce qu'il dit de la parole. N'importe quel esprit. Il nie la parole. Il n'est pas de Dieu. Voyez. Peu importe ce que c'est. Il nie la parole. Il n'est pas de Dieu. Regardez. Soumettez-les au test de la parole. Et voyez ce qui arrive. Je ne l'ai jamais cru. Et il n'y a personne qui puisse l'éprouver par la parole de Dieu. Que le signe initial du Saint-Esprit soit le parler en langue. Je veux que l'homme vienne l'éprouver. Je l'ai mis au défi de le faire. Je crois au parler en langue. Oui, monsieur. Mais je vis des démons parler en langue. Je ne peux pas devenir le signe initial. La parole n'a pas dit que le signe initial de la parole. Ça, c'est ce que les gens racontent. Ce n'est pas la parole. Monsieur, je vis des démons parler là. Des magiciens et des sorciers parler là. Et en donner l'interprétation. Alors qu'il nie l'existence même de Jésus. Je vis des hommes parler là. Alors qu'il vivait avec la femme d'un autre. Mais debout. À me regarder en face. Et devant lui, j'ai eu une vision. Je le prie à part. Et je lui ai fait attester que c'était vrai. Et vous appelez ça le Saint-Esprit. Loin de là. Oh oui. Vous dites, hein, bien frère Branham, ne croyez-vous pas que le Saint-Esprit parle la langue? Oui, monsieur. Mais soumettez-les au test de la parole. Amen. Chacun retient. Amen. Soumettez-les au test de la parole. Amen. Qu'aucun ne vit pas et n'habite pas, il te croit. Soumettez l'esprit. L'individu, la femme, le monsieur, l'église, le groupe, hein, au test de la parole. Soumettez-les à ça. Et voyez ensuite ce qui arrive. Et voyez ce qu'ils disent. Êtes-vous là? Ça vous aidera à prendre la bonne position. Quand un esprit propose la parole, alors la Bible dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes-là les possèdent, s'opposeront à la vérité. Donc un esprit qui s'oppose à la vérité n'est pas de Dieu. L'église dit Amen. Tout esprit qui s'oppose à la vérité n'est pas de Dieu. La vérité est clairement exposée. Toi qui t'opposes, tu n'es pas de Dieu. Ceux qui sont des dieux nous écoutent. Parce que la Bible dit que c'est lui que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu. Et quand c'est lui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Lui qui est de Dieu, et écoutera les paroles de Dieu. Amen. Il n'ira pas dans le sens concret. Toujours parole sur parole. N'est-ce pas vrai? Jean chapitre 3. Que la parole le dise. Jean chapitre 3 ici. Oh, c'est bon de lui dire. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Donc Dieu n'envoie quelqu'un pour qu'il aille détruire la parole. Il l'envoie pour aller dire la parole de Dieu. Répéter ce que lui Dieu a dit. C'est indispensable. Et c'est encore dans Jean 13. Au verset 20. Il est écrit ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit. Amen. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Et encore, dans Jean 17 au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Or, celui que Dieu envoie ne parle pas pour lui, ses propres paroles, ses propres paroles familiales ou théologiques. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et lorsque vous entendez les paroles de Dieu, vous écoutez Dieu. Retenez ça. Croyez ça. Êtes-vous là? Il dit, dans Jean 5 au verset 24, vous voyez, regardez l'enchaînement de la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Or Jésus-Christ était l'envoyé du Père. Et les apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, ce sont les envoyés du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. De la même manière, le Père m'a envoyé moi le Père. Moi aussi je vous envoie pour mes services. Les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs de faisant la parole, envoyés par Jésus-Christ, le même qui était descendu, le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin d'accomplir toutes choses, le même qui a envoyé le ministre. Et si quelqu'un reçoit celui que Jésus-Christ envoie, il reçoit Jésus-Christ lui-même. Et celui qui reçoit Jésus-Christ reçoit celui qui a envoyé Jésus-Christ. L'enchaînement de la vérité. Ne brisez pas la chaîne de la vérité. Recevez la vérité à votre niveau. Quelle que soit la manière dont Dieu vous la fait parvenir, voyez-la de tout votre cœur. Ah, elle vous sanctifiera, elle vous affranchira, elle vous délivrera, elle vous fortifiera, elle vous rendra inébranlable à tous les défis. Dans Luc chapitre 10 au verset 16, les disciples des Vadeux, il a dit dans Luc 10 verset 16, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. C'est clair? C'est lui qui vous écoute. Vous êtes à recevoir l'homme, l'individu. Mais il faut voir la dimension dans laquelle Dieu vous demande de recevoir. Ça fait du bien quand vous recevez le message que nous apportons. Ça fait du bien quand vous avez la parole que nous prêchons. Et quand vous vous montrez prêt à l'appliquer, notamment, ça nous donne la joie. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que nos enfants marchent selon la vérité. Pas de plus grande joie. Hein? Tu peux m'inviter, tu peux envoyer les unités, donner l'argent, donner le pouvoir, et tout ça, ça va passer. Amen. Nous sommes pour les capambas. Unité aussi difficile. Faut les faire ici, lui. Mais nous allons voir les choses. Et secret, Tomeli, ici, lui. Et l'origine, tout ce qu'on nous met là. Maï, et tout ça. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Demeure éternel. Le Seigneur a dit ça dans 1 Jean 2. Le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Éternellement. Si nous prêchons la vie éternelle, nous voulons nous rassurer que vous possédez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Et faites la volonté de Dieu. Pratiquez la vérité de Dieu. Obéissez à la parole prêchée. Faites ce que nous vous prêchons. Vivez d'après cela. Amen, amen. Amen. Oh, c'est tellement beau. Il faut ça. Donc, c'est lui que Dieu envoie, dira les paroles de Dieu. Et Jean a dit, nous savons que nous sommes des dieux. Et ceux qui sont des dieux, nous écoutent. Et ceux qui ne sont pas des dieux, ne nous écoutent pas. C'est par là que nous distinguons l'esprit de la vérité avec l'esprit de l'erreur. Nous sommes des dieux. Et ceux qui sont des dieux, parce que nous ne parlons pas de nous comme nous. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas improvisés serviteurs de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui nous a imposé la chair. Et c'est le Dieu créateur. Le Seigneur de l'univers. Parce qu'il nous a mandaté à prêcher sa parole. Écoutez les paroles de Dieu. Et vivez d'après cela. Obéissez à cela. Donnez-nous ça. Vivons d'après cela. Alléluia. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas compliqué. Vous allez pas citer. Ceux qui sont des dieux, nous écoutent. Ceux qui ne sont pas des dieux, ne nous écoutent pas. Vous prêchez comme ça. Mais il y a des individus, des esprits. Il y a des gens qui délibérément d'être chrétiens. Ils ne sont pas des dieux. Mais si Dieu touche leur cœur, change ce cœur-là, change leur identité, l'appartenance, ils deviennent enfants de Dieu, ils obéiront à la parole. Ils feront ce que nous prêchons. Seigneur, à qui le prêtre de l'Éternel s'est-il révélé? Nani le qui a cru à notre prédication? Nani plusieurs préventants, mais qui a cru à notre prédication? Qui a cru? Nani ceux qui sont des dieux croiront. Amen. Ceux qui sont des dieux croiront. Ma que la foi vient de ce que l'on a. Oui, c'est ce que vous vient de la parole de Dieu. Vous allez Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17. Ça vient de ce qu'on entend. Vous avez Amen. Yaka de lo moninga nanga kolo yeso akobyanga kayo ye azale mosonge na yo yaka le loko boyate oh yaka le lo moninga nanga moninga Kolo yeso akobyanga kayo ye ajale mosonge na yo yakale loko boya tres. Il arrivera un jour que tu entendras ce genre de mélodie et d'interprétation. Tu seras dans l'au-delà, ce sera trop tard. Mais ça va commencer à tourmenter. Parce que tu aurais raté l'occasion de changer. Bien-aimé, aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu. Même si ce n'est pas votre chance. Écoutez la parole. Écoutez la parole, obéissez. Écoutez la parole et pratiquez-la. Que tu sois béni, sois bien placé. Dieu est là dans ce principe. La foi vient de ce qu'on entend. Il faut que cette parole te pénètre. Il faut que trouve une place au fin fond de ton âme. Au fin fond de ton âme. Qu'elle trouve sa place et sa paix. Qu'elle trouve du repos et la consolation. Là où elle est malmenée, rejetée par les esprits. Au moins chez toi, qu'elle trouve du repos. Mais faites résider la parole d'abord en dedans. Mais faites en sorte que la parole demeure en dedans. Rendez-vous, que ce soit le mouvement de la parole. Rien de charnel. Rien de familial. Rien de tribal ni de clan. Rien de congolais ni de kinois. Mais c'est la parole. Solva la parole. Ne bouge pas de là. On ton identité. Là ton adresse. Dieu veut te trouver là. Êtes-vous là? Oh, répondez positivement à l'appel du Seigneur. Il veut tailler votre esprit. Soumettez-lui votre cœur. Et qu'il en fasse ce que lui-même veut. N'est-ce pas? C'est Amen. Alors, ne cherchez pas à faire la discorde. Hein. Ici, dans le sermon, la semence de discorde. Le 18 janvier 1960. Paragraphe 30. Il est dit, quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile. Et qu'il déclare que les jours des miracles sont partis. Ça, c'est la semence des discordes. Vous voyez le texte de la parole? Les éléments de réponse sont là. Ça commence à venir. Quelqu'un est là, il déclare qu'il est prédicateur. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il dit de la parole? Pourtant, les jours des miracles ne sont pas passés. Mais il se déclare prédicateur de l'évangile. Ce type-là, il est en train de semer la semence de la discorde. Il n'est pas de Dieu. Dites amen. Vous ne voulez pas dire que vous hésitez pour le moment. Le amen. Amen. Azar semence à discorde. Pour les jours des miracles sont passés. Tous les miracles que vous voyez sont des faux miracles. Non, il n'y a pas de faux miracles sans les bras. Et c'est un Dieu de prodiges et de miracles. Il est un Dieu tout puissant. Essayez d'envoûter les gens. Oh, les jours des miracles sont passés. Les jours des miracles ne sont pas passés. Les jours des miracles sont parmi nous. Ils le sont avec nous. Les jours des miracles continuent encore. Alors, quand un homme est là, a dit, il est ministre. Voilà. Il est ministre, il est ministre. Pasteur d'une église quelque part. Et qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même. Dans le moindre détail. À l'exception du corps physique. Il dit qu'il est ministre ou un pasteur. Il refuse de croire que Jésus-Christ est le même. Dans le à l'exception du corps physique. Nous pouvons le voir de nouveau parmi nous. À l'exception de son corps physique. Nous pouvons le voir aujourd'hui à travers l'église. À travers ses croyants. À travers ses serviteurs. À travers son peuple. À travers ses enfants. Il est le même dans le monde. Je veux dire que celui qui est à nous est le même que celui qui a vécu à l'enfer. Dans les moindres détails. Celui qui est avec nous, qui conduit l'église, qui remplit les croyants, il est le même que celui qui était avec nous. Dans les moindres détails, à l'exception seulement de son corps. C'est son corps physique que nous ne voyons pas. Parce qu'il est au ciel là-bas. Et il est au ciel là-bas. Il est là. Des esprits pervers qui prennent cette situation. Vous savez comment il déforme ça? Un pasteur. Soi-disant pasteur du message. Mais il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le monde des. À l'exception du corps physique. Ils disent, c'est-à-dire. Jésus a changé de corps physique. Jésus-Christ a Et si un pasteur ne croit pas ça, il est la sévère des discours. Cette citation que nous lisons ici, peut-être un jour, à l'occasion d'une visite égarée quelque part, vous entendre, vous êtes expliqué de cette manière-là. Et vous serez surpris de voir plusieurs personnes se lever, sauter de joie, jubiler. Ils disent que le corps physique de Jésus-Christ n'existe pas. Ce corps-là a disparu. Jésus, aujourd'hui, est William Marion Branham. William Marion Branham. Maintenant, quand vous demandez, le frère Branham a été enterré. Incrédible. Frère Branham a dit, si on vous apprend que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Voyez-vous ces esprits-là? Ils ont une audace, hein. Trop de zèle, même. Ramasse à l'instant. Incrédible. Il faut dire qu'il est tué incrédible. Parce qu'il avait dit qu'il ne le croyait pas. Et puis vous entrez dans quoi avec ça? Voyez-vous là, vous entrez. Finalement, c'est Frère Branham qui va vous donner les appels au ministère. Dans l'atmosphère là, vous verrez toujours quelqu'un dire. Il est venu, il m'a dit, le ministère est celui d'un prophète. Et le ministère des docteurs, tu es un apôtre. Mais le message nous dit, ce n'est pas Frère Branham qui est venu dans le tombeau. Car si Frère Branham vous donne la parole, le jour où quelque chose arrivera, Frère Branham, qu'il mourrait, votre ministère aussi finirait. Frère Branham est mort, il a été enseveli, et sa tombe est parmi nous, comme était le cas de la tombe du roi David, en Israël. Amen. Amen. Ce n'était pas une fiction. Il a été réellement enterré. Amen. Sa tombe est là parmi nous. Aux États-Unis d'Amérique. Il dit amen à la vérité. Et ceci, c'est la réalité même. Mais, il est ressuscité là. Mais à côté quoi? Dieu dans sa grâce m'a déjà montré par une vision la scène de la résurrection de William. Plusieurs Américains rateront cet événement. Ça je peux vous le dire. Beaucoup de croyants frères d'Amérique là-bas rateront cet événement. Ça je peux vous le dire. Et la chose importante, que votre âme soit prête. Amen. Mettez vos vies en ordre avec la parole de Dieu. Nettoyez tout ce qui doit être nettoyé. N'enflez pas d'orgueil, respectez-les. Car Dieu fera son semble. Et il élève les sembles. Amen, amen. Le Branham ressuscitera. Il sortira du tombeau. Je vais venir l'événement. Et soi-disant croyant d'Amérique. L'expression anglophone. Vous insistez. Vous enseignez à la parole. Ne vous fiez pas aux apparences. Mais au racontage. Des millions de gens. Qui pensent être sauvés. Deviendront la proie de la chair à canon. Des bombes atomiques qui viennent là. Réveillez-vous du sommeil. Que cette parole vous transforme. Que la grâce de Dieu touche vraiment votre vie. Pour que vous deveniez un homme nouveau. Il faut ça. Oh, écoutez. Si un homme est là, c'est dire ministre. Il dit qu'il est pasteur. Il m'écrit quelque part. Et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le monde de l'État. Jésus-Christ est le même à l'exception de Colombo. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça, c'est la semence de discours. Nous croyons qu'il est le même. Son corps n'est pas ici. Le message nous apprend. Que son esprit est ici. L'esprit qui était en Jésus-Christ est revenu à la Pentecôte. Il a rempli l'église. Et il a conduit l'église jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est le même Jésus-Christ. Je suis avec vous. J'essaierai en vous. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Encore un peu de temps, il ne reviendra pas. Mais vous me verrez. Bino, parce que je vis, vous vivrez. Gloire à Dieu. Amen. Oh, Alors si un type fait comme ça, donc il monte à l'église. Hey, ne crois pas que c'est ce que le monde dans le monde dit. À l'exception de son corps physique. Au milieu colombo là, nous tournons la mosquée. Alors, c'est la séparation. Quand il déclare que le miracle et l'âge apostolique s'est passé, ça c'est une semence de discorde. Quand il dit la guérison divine ça n'existe pas, ça c'est une semence de discorde. Et le monde en est rempli. Le monde en est rempli. Aucun dépaille, aucun dépaille. Moukine tonne la semence de discorde. Au côté de l'église, bataille-moi vérité mi balé, bataille-moi vérité mi tano, après, ben, bimisi mi loko, bossoto. Discorde. Ils sont toujours en désaccord avec la vérité. Ils s'accordent avec une partie de la vérité. Ils sont en désaccord avec une partie de la vérité. C'est masse de désaccord. Ils s'opposent à la vérité. Sortez des milliers d'eux. Quand il déclare que le miracle et l'âge apostolique, c'est lui qui fait ça. Ça, c'est une semence de l'histoire. C'est quand il dit la guérison divine, ça n'existe pas. Ça, c'est une semence de l'histoire. Et le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place au blé. Ça ne laisse pas de place au blé. Ça ne laisse pas de place au blé. Par grâce 31. Constatons que le premier qui a semé la semence de l'histoire, il a été étiqueté comme étant le diable. Et nous savons que c'est bien ça. Là, dans Genèse, il a dit 1, mais c'est Genèse 3. Maintenant, nous voyons ici, dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, Jésus étiquette encore tout ce qui a des accords avec sa parole comme étant du diable. Tout ce qui est en désaccord avec sa parole. Si vous faites une preuve de ministère, et que ce n'est pas selon la parole, c'est le diable qui vous utilise. Quand vous jugez un compte dans l'église et que vous ne le faites pas d'après la parole, c'est le diable qui vous utilise. Quand vous voulez qualifier un frère, vous lui donnez une identité, et que cela n'est pas basé sur la parole, c'est le diable qui vous utilise. Tout ce qui est en désaccord avec la parole, Jésus n'accepte pas de quoi? Le diable. Toi aussi tu feras de même. Le diable connaît ses os, il n'y a pas de parole. Et c'est le diable. Amen. Ce beau yaba au talon ou à ma terre. Nous l'a dit à moi. C'est du diable. Amen. Tu vois, il va défriser la basse de ma terre. Nous qui avons un calin à basse de la terre, n'est pas calin à la. C'est du diable. Amen. Pas encore avec la parole. Amen. Vous mettez, Père Brunam dit dans les Govalobi, les nobles blasphématoires, si la femme met autant d'artificiel ici dehors, cela signifie qu'il y a beaucoup d'artificiel en dedans à l'intérieur. Amen. La Bible n'est pas pour ça. Il dit, je ne suis pas pour ça. Et la Bible aussi ne peut pas être pour ça. J'aime que nous restions tels que nous sommes. Voilà la parole. Et tout ce qui est en désaccord avec cette parole, c'est du diable. Amen. Est-ce que ton ami est bon? Amen. Amen. Ton ami est bon, on a monté ma sembo. Amen. Amen. On a monté ma malade. Amen. Hein? Amen. Mes chers amis, ton ami ma parole est en Zambéco. Ton ami est bon, on a monté ma malade. Namo tema malamu ya kimwana nsambe. Laissons tomber l'incrédulité. Laissons tomber toute mondanité. Je veux que nous soyons conformes à la parole. Je peux dire. Prenons-nous une parenthèse. Je vais terminer le paragraphe. Hein. Le paragraphe que nous sommes en train de lire dans la semaine. De discorde. Je fais une parenthèse ici. Le nom blasphématoire. Je prends le paragraphe 82. Ou c'est aussi l'électronique paragraphe 46 et 86. Mais c'est ceci. Si elle met autant d'artificiel au dehors, cela montre qu'il y a beaucoup d'artificiels au dedans. Seul dit Amen. Et tu veux utiliser cette malice pour te consoler et dire que c'est pas grave, c'est pas impossible. Mon frère Branham, est-ce qu'elle prophète Awa. Si elle met autant d'artificiel au dehors, il y a beaucoup d'artificiel au-dedans. Là où ça devrait être rempli de Christ. Parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Suivez bien. Je ne suis pas pour ça. Et je ne crois pas que la Bible le soit aussi. Amen. Moi, je ne suis pas pour ça. Non, il a d'alité pour nous. Et je suis un prédicateur de l'évangile. La Bible de Dieu n'est pas aussi pour ça. Donc, j'aime que nous restions pour comme nous sommes. Nous l'aimons tous amis. Amen. C'est trop clair pour un enfant de Dieu. Trop clair. Et alors je reviens à la semence de discorde. Je termine le paragraphe 31 que je lisais. Maintenant nous voyons ici dans Matthieu au chapitre 8. Jésus étiquette encore tout ce qui est en désaccord avec sa parole comme étant du diable. Toutes ces choses-là que vous faites, ils sont en désaccord avec la parole. C'est du diable. Voilà. Et en cette année 1956, d'ailleurs nous sommes en 2022, tout ce qui sème la discorde, quelque chose de contraire à la parole écrite, on y en donne une interprétation personnelle, c'est la semence de discorde. Quand on prend la parole, on commence à donner une interprétation personnelle, c'est la semence de. Vous allez m'embaucher à Kozang, la boulot. Est-ce que c'est de Dieu? On est allé en Zambé. Mais c'est dit? Diable. On est allé en Zambé. Pas de Dieu. Vous allez en Zambé. Dieu n'honorera pas cela. Zambé a compris, mais en gros, comme on peut. Il ne le peut pas. A compris que ça, la boulot. Ça ne se mélangera pas. Et qu'on s'en va. Avec, certainement pas. C'est comme la semence de moutarde, hein? Elle se mélangera avec rien d'autre. Il ne faut pas ni brider. Il faut que ce soit l'authentique. Oh, la semence te discorde. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole. Tout ce qui est en désaccord avec la parole. Tout ce qui est en désaccord avec la bonne compréhension de la parole. Tout ce qui est en désaccord avec la bonne interprétation de la parole. Amen. Foutez ça dehors. Cherchez pour votre maison. Gardons la parole dans sa pureté. Dans son authenticité. Dans son originalité. Amen, amen. Amen. Très important. Alors là, vous voyez, nous nous sommes présentés un peu beaucoup ce soir. En lisant Jean chapitre 8. L'un des textes que nous avons exploité ici. Vous voyez là où nous avons tourné un peu. C'était là au verset 15. Et 16. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Amen. Et si je juge, mon jugement est vrai. Amen. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Amen. Et alors, la suite, Dieu voulant, on va l'exploiter prochainement. Parce que nous ne lisons pas la Bible pour la décoration de la prédication. Nous lisons des passages pour les exploiter. Vous tirez des vitamines à l'intérieur. Et le Saint-Esprit nous nourrit sa partie. Alors, ce soir, Dieu ne nous a pas permis d'aller plus loin parce que nous avons fait une heure là. Nous allons forcément déborder encore beaucoup. Or, chaque jour, je viens à la chair avec la décision de respecter la vie. Alors que Dieu nous aide ce soir. À rester dans les temps. Amen. Alors vous avez vu les deux versets. Jésus quand il a jugé, c'était pas un jugement charnel. Donc, retenez ce soir que nous disons non au jugement charnel. Mais oui au jugement spirituel par l'Esprit du Père. Par l'Esprit du Père et au moyen de la parole. Amen. Parce que c'est seule la parole qui doit juger. Non au jugement charnel. Non au jugement charnel. Tout ce qui est charnel. Vous allez en zoto. S'il faut juger, il faut Dieu notre Père, lui qui est esprit, qu'il soit avec nous, qu'il soit à nous, et que lui exerce son jugement. Car ce n'est pas l'homme animal qui juge. La Bible ne dit pas ça. Ce n'est pas l'homme charnel qui juge. La Bible ne dit pas ça. Mais c'est l'homme spirituel qui juge de tout. Et il n'est lui-même jugé parfaitement. Quand les hommes charnels font des aventures, ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Ils deviennent eux-mêmes jugeables. Ils deviennent eux-mêmes jugés. Pour garder la parole mot à mot, il faut que Dieu vous ait changé. Et tant qu'il y a votre nature charnelle, vos décisions, vous tapez sur banque. Vous mélangerez la parole avec des pensées charnelles. Et des choses diaboliques. Mais gardez la parole dans sa pureté. Faites un jugement juste. Jugez non pas selon la parole. Je ne sais pas qu'on l'avait vu. Dans Jean 7 verset 24. La semaine terminée. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et nous avons dit, il faut tout juger par la parole. Aujourd'hui, Jésus dit qu'il ne jugeait pas tout seul, mais le Père. qui l'a envoyé, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, est avec lui dans son jugement. À cause de cela, son jugement était vrai. Maintenant, que dire de celui qui a jugé sans esprit? Bon, il le jugement peut-il être vrai? Dites-moi, Bible à main. Non, non. Jésus lui-même le Fils de Dieu. Pour que son jugement soit vrai. Que le Père soit avec lui. De sorte que ce n'est pas l'homme de chair qui dit, donne des opinions et des soupçons. C'est l'esprit qui espie. Et qui manipule correctement la parole. En respectant l'interprétation correcte. La bonne compréhension chaque fois. En utilisant légitimement la vérité. C'est l'esprit qui le fait. Il faut que Dieu nous utilise comme ça. Amen. Et quand ce dossier que nous avons dans l'église, il faut que ça nous amène à ce genre d'humilité, de fidélité, pour amener notre Dieu aussi à donner, à ajouter des fonctions. Comme c'était le cas dans l'église d'Antioche. Savez-vous qu'il y avait des gens qui avaient des témoignages? On les a de tester dans l'exercice, et après le Saint-Esprit a parlé, indépendamment d'eux, pour confirmer ce qu'il y a. Vous voyez la manière biblique, les gens ne venaient pas avec des prophéties, vous appelez ça, appel au ministère. Ils appelés individuellement. Dieu leur adressait l'appel direct. Ils venaient exercer ensuite dans l'église. Et maintenant, pour confirmer, Dieu pouvait utiliser la prophétie. Pour confirmer et l'appel et l'exercice divine. Êtes-vous là? Authentifier que ça vient de nous. Donc, pendant que ces autres-là servaient Dieu dans leur ministère, Acte 13, verset 2 dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Ça, c'était la confirmation. Dieu utilisant d'autres canaux, pas les serviteurs eux-mêmes. Vous avez déjà les rappels et leur expérience. Maintenant Dieu parle par d'autres canaux pour confirmer que les témoignages arrivent derrière lui. Êtes-vous là? Il passe vraiment l'église apostolique. Il n'y a pas de camaraderie à faire. Oh, il y a un pire petit à Kingani. Non. Il n'y a pas de choses comme ça. Mais la parole doit être honorée. Et êtes-vous là? Et si vous aimez la vérité, Dieu aussi vous soutiendra. Et moi, c'est vérité comme ça. L'ordre de la parole, prophétie ou en effet, il y en a après. Ce serait vraiment correct. C'est ainsi que Paul a eu à dire à Timothée, ne néglige pas les dons qui sont en toi. A été donné par prophétie. Avec l'imposition de main de l'assemblée. La prophétie est là, reliée à l'imposition de main de l'assemblée. C'est-à-dire à l'étape de l'ordination. Quand le ministre a déjà été appelé, Je l'ai appelé directement. Quand le ministre a déjà exercé. Maintenant, au moment de la confirmation, Dieu parle. Il peut se servir de la prophétie. Et après ça, les sorciers imposent cela. C'est ça l'ordre de la parole. Il ne s'agit pas de s'élever. Vous voyez ce groupe là, le mouvement est fondé comme ça. Un homme qui était livré à Satan, qui n'avait même pas encore mis sa vie en ordre avec son assemblée. Il est allé quelque part se débrouiller sous la livraison. Comme il les aime toujours frauder. Il est livré ici. Au lieu de respecter, il est pour l'assemblée comme il n'a pas belé. N'a pas fait Kotawa. N'a pas fait pasteur. Et tout ça et tout. Désordre et fraude. Pendant qu'il fraudait comme ça, il est au Kassai là-bas. Quelque part là-bas. Je suis témoin de ce que j'ai dit. Le fondateur de ce mouvement me l'a raconté moi-même. Je me suis conduit en 2011 à aller les voir. J'ai pris les transports en commun ici à ma. Me renseigner calmement. Je suis arrivé jusqu'à la Grèce. Et Dieu a fait que les jours là, il était là. C'est lui qui m'a dit. Il m'a parlé de ça lui-même. Et il m'a sorti le fatigué. Les différentes prophéties données par plusieurs sœurs et des frères. Et que lui a fait la commission. Tous ces désordres là, après vous direz que l'arc-en-ciel c'est l'église. Je vous ai dit que c'est un système antichrist. Amen. Nous ne sommes pas venus pour nous flatter. Amen. Pour le salut de nos âmes, on ne badine pas. On a le dit qu'on a mis la sacana cathé. Nous ne devons pas tolérer n'importe quoi. Au lieu de faire subir aux gens les tests de la parole, nous ne voulons pas nier les preuves. Et nous ne voulons pas tolérer n'importe quoi. Dieu a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui le sert. Il doit faire la différence. Amen. Comme Dieu parle aux Éphésiens, il dit, je sais, je connais ton travail. Ta personne. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Puissiez-vous être pareil. Que Dieu dise aussi de vous, que tu as éprouvé ce qui se dit dans le monde, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés mal. C'est par les tests de la parole. C'est au moyen du Saint-Esprit qui était en eux qu'on a éprouvé. L'esprit Sokolo lo pela kaipe liso su olingi sosto kolanga natamoli natamoli pamba motika akase se adyangi ngaliso so Alana yeko o mama o sala na mawa yeko lo mope ma mo te mana pe aleluya mo te mana pe na soko me na soko na me Mama, mama, La même personne, Motomoto. La même Saint-Esprit, Motomoto. Il secourt l'église à Corinth, il utilise l'église, inspire l'église, conduit l'église, enseigne l'église, délivre l'église, la sanctifie. Parlons les chants. Grâce et gloire au nom de Jésus-Christ. Pour l'évangile que nous venons d'entendre, pour lequel nous étions rassemblés ce soir, ayant quitté différentes occupations, car c'était pour nous important de venir devant Dieu, et que notre journée de mercredi ne devait pas s'achever loin de ta face, loin les uns des autres. Mais nous devions nous rassembler ici, selon ton ordre, pour écouter ta parole et te rendre un culte de reconnaissance. Reçois les expressions de chacun de nous, les demandes, les supplications, les adorations, les louanges, les remerciements, que tout soit agréé par toi. Et que la parole qui a été prêchée soit cette bonne semence qui est tombée dans la bonne terre de ceux qui ont cru à notre prédication. prédicatif. Que cette parole les change. Provoque la délivrance. La rédemption. Le pardon des péchés. Le changement de caractère. Que tous les défauts tombent. Que l'autorité de la parole. L'histoire artificielle. Seigneur, nous voulons ressembler à la parole et abandonner le jugement charnel, adopter le jugement spirituel, avoir l'esprit de Dieu, utiliser uniquement la parole comme moyen de jugement, que tout qui est charnel s'éloigne de nous. Amen. Laissez-moi le diable venir nous embrouiller avec une semence de discorde. La pire parole, et que ta puissance nous remplisse de consolation et de progrès. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen.